sûr de Silo Hind à Brezonac. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonac. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gerioar Vue, l'émission Trihan Seitek à Pevarugen 397. Et j'ai cru entendre qu'aujourd'hui on parlait de cidre. Oui, j'avais envie de reparler un peu du cidre. On avait déjà parlé de ça avec Josette au début de l'émission, mais bon, je trouve que c'est pas mal d'en reparler de temps en temps parce que c'est quand même quelque chose d'important pour la culture locale. Hein, le cidre, le cidre coule à flot. Surtout certaines années, hein. Bon, c'est toujours assez aléatoire, hein, puisque la production de pommes est très variable, mais bon, c'est quand même quelque chose qui fait partie de la culture bretonne. Et donc, alors le mot cidre en français, c'est un mot qui vient de l'hébreu sheka, qui a donné le latin cicera et qui a donné le mot français. Et alors le mot breton est de même origine, hein. Là on n'a pas, c'est pas un mot celtique, hein. C'est un mot qu'on a emprunté à l'ancien français et qu'on trouve un peu partout dans toutes les provinces, hein, et qu'on trouve en Bretagne sous des formes un peu différentes par endroits aussi. Par exemple dans le pays Bigoudin, ils prononcent pratiquement comme en français, cid. Hein. Ah d'accord. Et ailleurs, alors ça s'écrit argiste, hein. Alors c'est schiste. C-H-I-S-T-R, mais nous, on prononce giste, hein. Evgiste, alors, et puis, il y a beaucoup de chansons sur le cidre. Il y en a une très belle qui a été faite par un facteur de Glomel qui s'appelait Kadik, et qui est en Venaval, hein. Marie m'en Venaval, blanc mon oak giste, hein. La, c'est très joli. Et donc, beaucoup de chansons sur le, il y avait une autre, dans le Morbihan aussi, dans le pays Gwenédour aussi, sur le cidre, enfin que j'ai entendu là autrefois. Donc il y a pas mal de chansons. C'est vraiment quelque chose qui est important dans la culture. Alors on dit giste, hein, et parfois on trouve cistre aussi, S-I-S-T-R. Voilà. Alors le mot c'est un mot masculin qui a un pluriel, schistrou, hein. En pluriel on n'emploie pas souvent. On pourrait l'employer pour dire des cidres, hein. Et bien sûr, comme c'est une matière, on l'emploie souvent sans l'article, hein, sans article, puisqu'il n'y a pas d'article partitif. Donc on va dire giste, hein. D'ailleurs, on dit evgiste, hein. Evgiste à l'eau, hein. Bois donc du cidre l'eau. Et donc giste, hein, pour dire du cidre. Voilà. Alors il y a plein de vocabulaire autour du cidre, hein. Bon. Là, il faudrait presque faire une série d'émissions là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire. Hein. Je sais pas, moi, par exemple, on dit « endorchen », hein. « Endorchen », c'est la motte, hein, qu'on va monter pour la motte. Avec la paille et le mou, quoi. Voilà, avec de la paille ou avec des toiles, hein, y a plusieurs façons de faire. Et puis des pommes moulues, hein, et qu'on a laissé tremper un petit peu pour donner de la couleur et du tanin. Alors on va caractériser les schistes, j'allais dire, hein, les cidres, hein. Par exemple, on va dire gisuero, hein, du cidre amer, c'est-à-dire du cidre où il y a du tanin, un peu comme le cidre de Fouenant, par exemple, hein. Gis douce, hein, du cidre doux. Gis calet, hein, du cidre plutôt du cidre parfaitement fermenté, quoi, hein. Voilà. Gis merad aussi, hein, pour le cidre doux, on dit des fois gis merad, hein. Bon, on emploie ça aussi dans le sens de pour le poiré, par exemple, on dit gis pire, hein, voilà. Donc aubergiste, faire du cidre, c'est aubergiste. D'ailleurs, avec le jeu de mots sur aubergiste, hein, et des quiproquos comme ça. Un évergiste, hein, le buveur de cidre. Voilà. Alors, bon, des mots autour du cidre, par exemple, j'ai dit endorchen, hein. Erwaskel, alors c'est le pressoir. C'est guaskel, et comme c'est féminin, ça donne erwaskel. Ici, on dit pressour, hein, plutôt, hein. Alors pressour, hein, le pressoir à vis classique, hein, qui était utilisé autrefois, qui est toujours utilisé. d'autres mots, par exemple, corgiste, hein, c'est la lie, ce qui se dépose dans le fond du tonneau. Et un tog rouge, ou un tog, tout simplement, c'est le chapeau brun qui va monter, hein. Voilà. Alors quand on dit pour fermenter, on dit birvin, hein, c'est-à-dire bouillir. Alors bien sûr, là, il s'agit pas de bouillir à 100 degrés comme l'eau, hein, mais la fermentation, donc on appelle ça birvin et peurvirvin pour terminer la fermentation. Voilà. Alors aussi une expression aussi pouezargiste, c'est la densité, hein. Donc on prend la densité pour mettre en bouteille par exemple. Souvent vers 1015, quand la densité est de 1015, on met en bouteille. On le pèse, quoi. On le pèse, oui, avec un pèse-cidre, hein. Donc pouezargiste, hein, ce qui permet de mettre en bouteille et ce qui permet de reprendre la fermentation pour avoir du gaz dans la bouteille sans que la bouteille n'éclate. Hein. Mmh. Voilà, ou que le bouchon s'en aille, quoi. Voilà. Et puis, bon, il y a pas mal de vocabulaire. Enfin, c'est un petit aperçu, quoi. Sur le cidre. Et puis, j'espère que cette année, il y aura du bon cidre. Mmh. Voilà. Très bien, on passe à la deuxième partie d'émission, Brezhoneg dans ma tombe. Donc, deuxième partie d'émission. Alors, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, pour Brezhoneg dans ma tombe, Iwan et Chanik n'étaient pas à Zantolek. Non. Mais non. À Saint-Ernin. Oui, alors, c'est pas le même Iwan que la dernière fois. Ah. Celui-ci, c'est Iwan Urbriz, donc, qui est un vieux célibataire qui habite à côté de la chapelle Saint-Ernin, donc à Kerizel. Et donc, qui ouvre la chapelle pour les journées du patrimoine. Donc, chaque année au mois de septembre. Alors là, on est allé les enregistrer. Et on les écoute. Des maths d'or, Iwan. Salut, Tchanik. La ride d'Inta, Iwan. Pure, oui. Mi et Iwan de Brise. Au chom, Bakerizel, Armand. Pelzo, au chom, Armand, Bakerizel. Feya, va. Bouéwadar, Bugel, au chom, Armand. Taler, chapel. Oui, Iwan, zo. Laboureur, douar. Non, que tin. Grémeuse, vicher, ze, pas de pelle. Mais vraiment, on doit me lever. Oui, arav, wardouar, le, ar chapel. Ah, ya, neta de rand un dro de chapel, a gebar ze vejou, a peve digor et vel hudu, e gontant d'un dut, histoire chapel.

troisième partie d'émission. Petrazone Vervro Eri. Petrazone Vervro, calze dra ou evel jus boervej di ouzan. Krogom evel kis akustum gandela bourdouar hag ur vue war armez. Tremen ede nan bremañ hag eru om ban diskar amzor. Hir adra un onz evel jus ber adra un de. Hag prestig evo ba war armez houl de zeri ur maiz hag betravez. Ur maiz, ya bremañ ve gwell kaz ur maiz, gwezhel ne vije ke gwell ur maiz bavro, am. Betag ur blavez yo trugen ne vije ke gwell ur maiz ba parkad ou vel ve gwell bremañ. Met de houl se vije mag de lon ne pa de gwan, gant vwen, gant betravez, gant ruta, gant yot, ma chom me yot, bopet. Hag ba blavez yo trugen, hanter kan lasso bremañ, Oaï maïs bavro, pis de chanche calze drau. Jonge meus de ze houlse, pis oaï maïs bavro, vel emze, vel un dra curieus, derne zun dud lare o ze ne badoket. Pis dur, ze zo dud deus lerel, me ze ne badoket. Ba pa de neus, an beta vremen bop. Bon derne oa en eb d'ur maïs, bon un technicien ne doa du, evel just, an vid lakad dud d'ur maïs, an jonge meus oa. J'ai comme ce cas de c'est quoi. Bon, hag, be oa be klaske d'or maïs blas ou rog, mais, oa ket de sort ou maïs abridoar vid or am, ma vrou, quoi. De houls oa be gret, nin ra dauhan, hag, nin ra dauhan eiz a hantar kan, hag, rez, oa boyen de gad ba vrou. A set oa dey de maïs ba vrou. Bon. Ne vesso, un draf, Un draf et gervigeur stade vid pezel de ze labour douar vid ar randvro, un eus imbanne de ar studiaden war a zeve londet e breiz. Pu dur ve gwaret, tient an randvro e brovranz e breiz e vid lez, vid hir, vid mor, vid loeio. Bon, kal ze drau ve gret an ma e breiz hag vid kal ze drau ma e breiz bapen tient an. Hag eus evel londet se, élevage, une galag, hein. Ur a labour de spentri han embregere ze zo labourat, vid ober boueten dut. Hag ba an embregere zo ze zo wardro trugen mil den o labourat, hein. Ba ze stal yo ze. Hag an se ze zo e boue ze vel just vid ekonomie ze vro. Met ur mar eman e zo kal ze gudenou, bon, kom ze rand de se vej o, hein, gant de stal yo, hein. Hag bon, gudenou zo, hag... Redo kad diskoulmo evit an mez deus un afer eus. Bon, bet zo un afer dou, ur gad, un afer gad, tout. Bon, dalke brand mont pel ar warze, meg gwell ar red zo kal ze gude nou. Meum estra zo a breiz tro a di ar zmad, hein. Ar zo bekom zo d'ar neus ke gwall bel zo deus plant pato. Pu dur a breiz ve ket kal ze plant pato, avin kas de spen hantar kant bro war ur bet. Hag zio war bon war dro tri han ferme zo ober pato e breiz. Hag pato, plant patoze, ve kavet war 10.000 devezaret. Pe 5.000 hectare, ma peson. Gon a zezo bouez, hein. Hag zio war zo nam zor de zon evit de pato, pu dur neus ke be kavet bouez gwell ar bet a brom, legumach evit de pato. Retourne de Bligédé à Pato, hein. Kaz Gandawenu, Breizam Gonz et ze Pato. Dasqueur Pévigé Kand tourne Rost, hein. Rost et Gwelland Mazezo, Pévé Wanda Oberfrico, A Pévé Lac Gant en haut houche le bateau, Ne vais plus jamais du remis que vrai ton neutre. Alors, il y a Rost. Hag, Gandawenel, ouah, Vigé Kand de, Meus bekle kom kano gant e vreder, gant e, neke gant e vreder morvan, me gant e oare zet gwadek, en tenadek pato, ma trez en peus bekle vezi, war an ton, war an ton gavoten. Puis yur an kom zez oare zet gwadek a deus e vreder morvan, gwele meus ar vo inor eur vreder morvan ba fin e mis, vo c'ho e te, enfin, Henri et Yvon, vo handvet officour vid de narzou hag liziri. Officier des arts et des lettres. bah fin de mise bah bémoire nugen de mise hier et bah zan li gouden. Bon, dans mon temps vraiment war politique res tost al ram de ce vota de gou videur par ou jou hein puis j'en ce que mes roer mitin ag bon krogin trou de vir vion tam bah vro visé puis j'en fait commence de se avait juste les krogen du de gamba li vois mais comme se fait de se Aze, dur, bah, pe barouz vo red di bob, gusulérien, hein. Pe tramant velard de gonsaillérien, hein. Hag, eumer, oan hantelard de notre eumer, mais vraiment, n'est que de notre ou d'herbord, ve jove au nitron de veres. Gwegel vigelard, zé, hein, notre eumer, hein. Hag, mame soa bid or gandau, un greloir un autre eumer, hein. Notre homère, deux odières grises, gueuleur viguine, grave giste, agatra aussi, c'est quoi. Notre homère, deux heures strennes, au poisson d'un ruiben, c'est quoi, orbal ficelle, hein. Ouah, tout de merio, ouah, bon. Mais vraiment, zo, velard, notre homère, pétrom, un nitron de sveres. Bon, plar, on a grand, Quand le maire, il y a, gazette, nous, zo, vraiment, au houle, quand le maire, il y a, et une presse de radroy, puis une jonge de radroy, de glace, que, ratapo, au gardeur, mais, bétac, bon, menez, un neubeu de responche, ouais. Bavro, hein, menez, que met de maire local, hein, vrieux, bozeg, menez, là, rescler, t'il est, zo, igargue, réel, zo, rotas de vel, pis sa mot, de droyo, narvel, gay, mère Rostren, ne se l'ardoua, honte hadroy. Mais Hindel, ne se calze à gala, roise à sclair, pésé, jonge d'opin. Orgudenel, zo, bavro, puis ve comme zeus politiquer, videur, RCCKB, strolat paris ou craise braise. Puis dur, vraiment un hello, terre barous, tréfrine, plévine, à tréogande, cuite à de CCKB, évite de non-stag, en de strolat de poer, communauté. Ag bon, zézo, orgude, une vie de CCKB, puis dur, war eis parouz war nug, ne chomo que tin, mais pem war nug, ag ne zigresco que de hargo visé, sais-tu, austertor, kard, hempouestre, et ner han auton de bars, ag ner han auton de mez, au hon de mez. Bon, quelot vos uroirs, vos ratcombs de zé, hein, pas de romar et roas, puis dur, donc grezé, rog do vil pemsek. Bon, war un dachenel vraiment, et rue et hous vraiment de l'idan, trégonde vet devabla, RKB. Puis dur, trégonde, boit trégonde la sauve, et clève d'RKB, war bavro, hein, in gala, gag in brezonne, gag, bon, zézo, un droit, bouez, videvro. Azuroir, azur, même, c'est plus dur, me jonge ma de c'est, oui, ouais, yo, on trade, hous, hein. Mais mi me change de c'est puis wa becrou de RKB ag wa que gwalez da wa que gwalez de zive le radio de Hulse puis dur wa que de han wa que mon vide mais au hose de ka wa beka da d'une de change de c'est bon red wa ka de case you le vide don de ben hein, d'overzé mais bon bénéfice écrou de et becrou de RKB à part de neus beta vraiment. Zon jemeuse de houls, mames, wa calze du dalar, et oh, potiestude, ben ugel lasso, hein, me ne vaut den bétine au camp de Brezonek, n'a que bon, en radio in Brezonek, hag, calze d'une, me zbicle et larzé, hein. Oh, alors, et d'une, wa l'air blavézio, wa l'air bladauville, vous voyez, je suis grandi, vous, que den bétine au camp de Brezonek. Hag, bon, gwellerit, bon, guiré, zoet, calze d'une, de ce rigon de Brezonek, de houls, zoet, non, même me sera, bon, ve, a vraiment zo reyo antis qui me raisonne que c'est tu zo nom zo de zone mais de bon redevo deran labour adoir dachen braison de gevitus hein réseau est non non une zo est alise quand quand tout un tensorio grandé zo chom me dit en ave mais de bon calze draus même stras au bimir hein vrai grâce de RKB plutôt zo bid j'oublie clé de calze d'une, bah, au camp de raison, le RKB, elle souhaite, non, non. Hag eus war e vo moyen de dreus kaskaz e draou, vid rumad ou de zon, a gant skoaz el d'astum da skoia, a traou dis. Bon, hag bon un debenek ben, bon, ben tregon l'arm, ma trez un peto ugen l'arm, vreton de gomprono pegen prisius e ur yez evit o bro. Bon, ne ket d'ay un arm zan zeroaz, peut-dur Jacobin et zo bepret tien krein, tout d'or galout kouzlard zo gante, hein, Jacobine de Guen, Jacobine Rue, Jacobine Pêcheur, peu psormot, à Jacobine Vélestradurus. Rins au gois en rois, car rins n'que renove grand dut, rins labour à Dresin d'Anne. Mais de memestra, bon temps matant, me ve gouelet, hein, gouelet mus, nevis, neviso, armes gouelet, war un ouest éclair, hein, ve la remes à cause, ou abid, bro cob, zo hont de vous rendre de Calland Breiz. Un grand signe, voilà, red, zo trop, zézo, n'est que bel un temps marouis, mais on a ouis, il me mestra, un de ce pis au moyen d'abord. Hag, bon, vide, vide, pis aux ailes de ce nigraïsé, non, arme, vegouel, pis à mot, la Jacobine de Roy, plusieurs bénéfines, zo begel kaz de drouz, ou ar digraïsé, non, an eus ket de mant be mes, deus ur men ezo deu do logon an mez ma peusant. A mam eus prezident de rand vroio, e oa, oa bod de neus ket gwal belzo ar ba naunet, hag neun laret o en bet de depit bras, gant pez o begret vid un digraizen an peu dur, ne ket den an traoù ar ok, tambin ma, a ma trezen mam eus en deil oadri. Bon, setu voret der an labourad, hein, war dach an ur yez, hein, bon, ur radio, labour a war trawel, hein, war dach an ekonomiz, war dach an tout pez vegret bavro, met red vo labour a war dach an ur yez, a war dach an ur zevinadion. Hag bon, gant ur radio yawel, hein, peudur on minan eut gant radio yawel, radio Brougouen, de Arvorik FM, radio Kerné, Plume FM, a réel vejo, bon vo moyen de der an vant war ok. Hag, bon, vid ze vo reit keleier de zevro, hag vo zikour d'un dut de zizolo in o zevela dur, hein, peut-dur bremañ gant de medaille au bras, médiaille au bras, vek komz de se koulz laret. Hag, bon, bas kolaj ou vek disk kalz un draou, vel un histoire vro, vek disk d'or vigal e na mandbet, bon, setu vo renmont der an labourat a der an storm. Bon, rog vo gret ar gwell vid er kabe ar an anke de gomz chin de ze venadur, rad krog ar in de gomz de se, pe vo tramne d'ar gwell, me rot a se na an la randar tien ar vegel, la randar an dok, tien ar vegel, chinove an er kabe hag yermant nol. Trugari Eri. Ya, salut.